Ne vous ai-je pas engagé, enfants d'Adam, à ne pas adorer le diable? Car il est vraiment pour vous un ennemi déclaré ?